France Inter, franceinter.com. Attention, message personnel, panique au Mangin Palace. Je répète, panique au Mangin Palace. Ha ha, nous revoilà. C'est donc la panique, en direct du Mangin Palace, épisode 111. Bienvenue à toi, dans ce monde archi-loufoque et total foutraque, où l'élégance se mélange au n'importe nawak, le tout dans une farandole de volutes sonores, orchestrée par une bande de doudingues. La machine est prête et, a priori, nous serions ce matin, selon le grégorien, le dimanche 9 mars 2008, 11h06. Bonjour à toi, l'ami. Cette semaine, dans Panique au Mangin Palace, tu es blond à paillettes perché sur des talonnettes. Tu es, écoute, ta mère est là ou pas? Tu es Claudette en strass, tu es Podium Magazine, tu es le Kurt Cobain français et tu es aussi... Bonjour. C'est effrayant. Je sais pas ce qui m'arrive, non. Il y a 3 jours, j'étais chez moi, j'avais envie de boire un thé, je branche ma bouilloire, je reçois une décharge électrique de 10 minutes. Non mais j'aurais pu y rester, comme Claude François. Oui, tu l'auras compris, l'ami, ce matin, il y a le printemps qui chante, tu es Claude François. Alors, après-demain, le 11 mars donc, le monde entier va célébrer le 30e anniversaire du footballeur ivoirien Didier Drogba. Mais quelques fans dont nous faisons partie n'oublieront pas de commémorer en toute discrétion les 3 décennies qui nous séparent désormais de la disparition de Claude. Ainsi, à l'heure où plus que jamais le courant passe entre l'idole et ses groupies, la panique au Mangin Palace a donc décidé ce matin, durant 53 minutes, de consacrer toute une émission à l'irremplacer Claude François. Et pour amorcer notre hommage au magicien des yéyés, d'Ismaïlia à Danemois, nous allons te dévoiler une facette inconnue de la vie de Claude François, un authentique scoop made in panique. Ensuite, durant quelques minutes, nous découvrirons ensemble combien l'œuvre de ce prince du disco à la française connaît aujourd'hui un rayonnement planétaire. Et dans la foulée, justement, grâce à la troupe des Deschiens, nous irons à la rencontre de véritables fans qui tentent de perpétuer la mémoire de Clo-Clo. Et puis, nous analyserons à quel point le conseiller occulte que fut Claude François a joué un rôle majeur dans le combat titanesque qui opposa Giscard à Chirac au cœur des 70s. Et enfin, nous retournerons à Grosboule-les-Bains où Jean-Claude pense avoir découvert qu'il est le fils caché de Claude François à la grande stupéfaction de Monique. Une seule mission, tenter de chahuter tes zygomatiques. On est dimanche matin, on est bien et le décollage est imminent. Allez! C'est parti, c'est la panique en direct du Mangin Palace. Alors bien sûr, monte le son et tape des mains avec lui. Tout le monde bat des mains avec moi. Wow, wow, wow, wow. T'en chante. Wow, wow, wow, wow. Encore. Wow, wow, wow, wow. Si j'avais un marteau, je cognerais le jour. Je cognerais la nuit. J'y mettrais tout mon cœur. Je bâtirais une ferme, une grange et une barrière. Et j'y mettrai mon père, ma mère, mes frères et mes sœurs. Oh oh, ça serait de bonheur. Tout le monde chante encore. Oh oh oh oh. Plus fort. Oh oh oh oh. Encore plus fort. Oh oh oh oh. Si j'avais une cloche, je sonnerais le jour, je sonnerais la nuit. J'y mettrais tout mon cœur. Pour le travail à l'aube et le soir pour la soupe, j'appellerai mon père, ma mère, mes frères et mes sœurs. Oh oh, ce serait le bonheur. On chante tous en chœur. Oh oh oh oh. Oui c'est ça. Oh oh oh oh. Plus fort. Oh oh oh oh. Si j'avais une chanson, j'achanterais le jour, j'achanterais la nuit. J'y mettrai tout mon cœur en retournant la terre pour alléger nos peines. Je la chanterai à mon père, ma mère, mes frères et mes sœurs. Oh oh, ce serait le bonheur. Tout le monde chante encore une fois. Oh oh oh oh. Plus fort. Oh oh oh oh. Toujours plus fort. Oh oh oh oh. Si j'avais un marteau et Et si j'avais une cloche, puis si j'avais une chanson à chanter, je serais le plus heureux. Je ne voudrais rien d'autre qu'un marteau, une cloche et une chanson. Pour l'amour de mon père, ma mère, mes frères et mes sœurs, oh oh, ce serait le bonheur. C'est le marteau du courage, c'est la cloche de la liberté. Mais la chanson c'est pour mon père, ma mère, mes frères et mes sœurs, oh oh, pour moi c'est le bonheur. Si j'avais un marteau, c'est ce que désirait Claude François en 1963. Enfin, ok, un marteau c'est bien, mais bon, parfois une prise de terre, c'est mieux. Alors ce matin, la panique au Mangin Palace est donc entièrement consacrée à une immense idole, à nos côtés depuis toujours, à savoir Claude François, bien sûr. Et pour commencer cette épopée en strass et paillettes, la panique a décidé de te dévoiler une facette inconnue de la vie de Clo-Clo. Car en effet, les nombreux documentaires qui fleurissent en ce moment sur la star racontent tous les mêmes choses. Sa naissance en février 1939 en Égypte, son arrivée en France en 1956 et ses aspirations artistiques aux grandes dames de son père d'ailleurs. Alors tu veux faire danseur ? Qu'est-ce qu'il y a de mal à ça ? Qu'est-ce qu'il y a de mal à être danseur ? C'est parfaitement normal. C'est normal pour les filles. Mais pas pour les garçons. Les garçons font du football ou de la... Je vois pas ce que tu reproches à la danse. Tu sais parfaitement ce que je lui reproche. Non, je le sais pas. Oh si, tu le sais. Non, je le sais pas. Si, tu le sais très bien, nom de Dieu. C'est pas que des tapettes, tu sais, papa. Y a des danseurs de ballet aussi musclés que des athlètes. Tu veux bien la fermer ? Je te déteste, papa ! T'es qu'un pauvre connard ! C'est ainsi. Contre la volonté de son père, Clo-Clo s'est donc lancé dans une carrière artistique. Mais ça, tout le monde le sait. En revanche, nous, ce matin à la panique, nous allons te révéler ce qui n'a jamais été raconté. Claude François fut en réalité un terrible agent, à la solde des forces socialistes soviétiques. Et oui, Claude François n'était pas du tout abonné aux rengaines innocentes. Ses chansons, il faut les contextualiser dans la guerre froide. Ainsi, en 1962, en pleine crise de Cuba, Claude osait faire l'apologie de la suprématie de l'URSS dans le domaine spatial en vantant cet oiseau qu'on appelait Spoutnik. Oh, quelle année, cette année-là. De même, des titres comme « La ferme du bonheur » ou encore « Pauvre petite fille riche » ne sont pas de gentilles ritournelles, mais de vibrants appels à la révolution prolétarienne. Et oui, Claude François était un terrible agent, formé par Moscou pour lutter contre le grand capital, une taupe infiltrée, prête à tout pour faire triompher ses idées jusqu'à torturer. Ben, c'est le bébé qu'on est en train de brutaliser, là. Attends, casse-lui encore une côte, tu veux ? C'est le mien. Je m'entraîne pour le prochain fait divers. Bon, vous voulez venir pleurer au micro, vous ? Venez ici, vous, là. Et venez pleurer au micro. Venez pleurer au micro. Hein ? Bon, du coup, il veut plus. On a trouvé un truc. Au revoir, monsieur. Au revoir, petite. Eh oui, ce qui n'avait jamais été dit auparavant est maintenant dévoilé par la panique au Mangin Palace. Claude François était un agent soviétique infiltré. Mais attention, ce qu'on annonce aujourd'hui était déjà connu par la CIA, qui a tenté d'ailleurs à plusieurs reprises d'éliminer Claude François, comme à Londres en 1975. On est donc sorti pour laisser passer les gens pour entrer dans l'ascenseur qui descendait. On avançait contre... L'espèce de canapé qu'il y avait, il y avait une dame qui était debout. J'ai essayé de regarder le bouquet de fleurs, la dame était debout. C'est celle qui a été déchiquetée en deux par l'explosion et qui nous a sauvé la vie du fait même. Elle était contre la table, elle était contre la bombe, sans le savoir. Elle était debout là, elle essayait de regarder quelqu'un. Et évidemment, tout ça c'est long, mais ça a duré 6-7 secondes. J'ai dit 2-3 mots avec mes amis, j'ai parlé de ma chemise, je ne sais plus pourquoi, à quelqu'un. Et je me souviens que c'est à partir du moment où j'ai dit « et ma chemise », l'explosion a eu lieu. Ainsi donc. La vie de l'agent provocateur communiste Claude François n'a pas été de tout repos, traqué sans cesse par la CIA et par le contre-espionnage français. D'ailleurs, aujourd'hui encore, dans un lieu confidentiel, sont classés top secret des enregistrements réalisés grâce à des micros installés boulevard Excelmans à Paris, dans l'appartement même de Claude. Et ce matin, la panique te dévoile en exclusivité l'enregistrement d'une de ses écoutes. Salut, vous allez bien ? Claude François au micro. Je suis assis sur la baignoire. Tout va très bien, je suis tranquillement dans ma petite salle de bain, il fait bon. Je prends un plaisir extraordinaire. Je ne peux pas exprimer ça par des paroles, mais je suis profondément heureux. Tout va merveilleusement bien. Je suis vraiment bien sur une chaîne. J'adore. Je retouche du bois. Moi, pour que je chante bien, il faut que je me mette dans le bain. Alors, tous les matins, je chante dans ma salle de bain. Je chante sous la douche. Je chante sous la douche. Et je me la coule douce. Je chante sous la douche. Eh oui, voilà. C'est le drame que nous commémorons aujourd'hui. Claude François s'est électrocuté dans sa baignoire il y a 30 ans. Guy Lux était en direct des buts de Chaumont. Nous sommes tous frappés aux buts de Chaumont d'une chose horrible. Notre ami Claude François est mort. D'ailleurs, à côté de moi, nous sommes sans voix. Il y a Michel Drucker qui l'attendait, ainsi que Sylvie. Pierre Perret est à mes côtés. Enfin, nous sommes complètement perdus. Comme on dit dans ces cas-là, la phrase rituelle, le spectacle continue. En tout cas, demain, nous allons dédier toute notre émission à Claude. Ça va de soi. Absolument. J'imagine, oui. Moi, je pense que je vais en faire autant la semaine prochaine. Je veux dire que là, il n'y a plus ni première ni deuxième chaîne. Nous sommes tous frappés de stupeur d'un accident bête. Comme me disait Marie-Di Carpentier il y a 2 minutes, il dit un accident de voiture, c'est presque moins bête que de s'électrocuter dans sa salle de bain. Enfin bref. Voilà. En effet, mourir dans sa salle de bain, c'est un accident bête. Mais tout de même un peu suspect, à tel point que très vite, des rumeurs ont commencé à se propager. Il y a tout un tas de théories qui circulent sur ce qui s'est passé vraiment ce jour-là. Est-ce que c'était pas un genre de suicide déguisé? Mais moi, le truc qui m'a le plus marqué dans cette histoire, en tant que détective privé, c'est le fait que, dans le rapport du médecin légiste, on ait appelé ça un accident. Ils ont inscrit « mort accidentelle ». Ainsi donc, pour contrer les rumeurs sur l'accident de Claude François, le pouvoir anxieux a tout fait pour détourner l'attention de l'opinion publique. Écoute bien ce journal du 11 mars 1978, le jour même de l'accident de Clo-Clo. La mort tragique de Claude François est là en tout cas pour rappeler les dangers de l'électrocution à domicile, des dangers que l'on a trop tendance à oublier, Alain Chalvron. La plupart des cas graves se produisent dans les salles de bain, dans les cuisines, enfin partout où l'eau vient aggraver les cas. L'inconscience est le plus souvent à l'origine des cas mortels, des gens qui utilisent un rasoir électrique, un séchoir ou un téléphone dans leur bain et qui laissent tomber l'objet dans l'eau. D'une façon générale, les pompiers recommandent de ne jamais utiliser d'appareil électrique dans une salle de bain, ce qui ne pourrait être qu'un courjus banal, comme on dit, risque de devenir alors un accident tragique. Toi, tu me fais de l'électricité, tu fais monter ma tension. Pour ne pas tomber dans la lubricité, faudra que je fasse attention. Tous les soirs, tu m'allumes, le matin, tu m'éteins. Mais même si tu dois tout faire sauter, fais-moi de l'électricité, fais-moi de l'électricité, fais-moi de l'électricité, fais-moi de l'électricité. Voilà, c'est tout ce qu'il nous est possible de te dire aujourd'hui sur les véritables activités subversives de Claude François. Une dernière petite révélation tout de même, Claude François n'est pas mort, puisqu'il a fait comme Elvis qui, un an plus tôt et lui aussi dans une salle de bain, avait fait croire à sa disparition. Ainsi, aujourd'hui encore, Elvis et Clo-Clo se baladent en Cadillac Rose et en costume à paillettes. D'ailleurs, à force d'être en compagnie du King, ben Claude, il a dû apprendre l'anglais. You and I said goodbye, going on our different ways, running from the yesterdays. But you are never far away from me, for no matter how I try, flying high with some other love affair. I know that you are always there, where you'll always be. You're like a song that keeps on lingering on, although I try to belong to another. You are the one I'm always dreaming about. I know I can't live without our song of love. Love is like a kind of song that goes on and on and on. As you sing a little, dance a little, cry a little, laugh a little, love will call the tune. Love is like a great refrain, it will lead and come again. As you sing a little, dance a little, cry a little, laugh a little, love will call the tune. You go spinning like a dancer as you take a Nothing means what it seems, I am just pretending to fall in love with someone new. Although it will be always you for me, as I sit alone and try, losing my memories in small cafes. I know that when the music plays, it's you that I see. Walking on air as I imagine you there, you're in my arms and we share love and music. Could it be true that I am somewhere with you and you're remembering too our song of love? Love is like the kind of song that goes on and on and on, as you sing a little dance, a little cry, a little laugh, a little love will call the tune. Love is like a great refrain, it will leave and come again, as you sing a little dance, a little cry, a little laugh, a little love will call the tune. You go spinning like a dancer as you take a chance a wise man wouldn't take, but the clown who falls in love will laugh and sing although his heart may break. Love is like the kind of song that goes on and on and on, as you sing a little dance, a little cry, a little laugh, a little love will call the tune. Love is like a Love We Call the Tune, c'est ce que chantait Claude François en 1977. Autrement dit, l'amour appellera la tune, et c'est sûr qu'avec 70 millions d'albums vendus, cet éminent spécialiste du sentiment amoureux a su engranger pas mal de tunes. Alors maintenant, la clepsydre du Mangin Palace nous indique qu'il est 11h22 et après avoir constaté combien Claude François était en réalité un dangereux agent provocateur gauchiste, il est temps désormais de te démontrer que son influence idéologique connaît aujourd'hui un rayonnement international. Oui mon ami, sais-tu que les puissants rendent régulièrement hommage à la pensée claudienne ? Eh bien, figure-toi que le talent et l'ingéniosité de Claude François inspirent sans cesse les grands de ce monde. Oui, que dire par exemple du 17 mai 1995 ? Ce jour-là, président Chirac nomme M. Juppé Premier ministre. Et dans la foulée, que fait Alain ? Immédiatement, il s'entoure de quelques créatures qu'il surnomme très vite les Juppettes, tels Claude et ses Claudettes bien sûr. Et tout comme Claude, Alain ne supporte pas qu'on bâcle la tâche. Résultat, quelques mois plus tard, tout comme l'aurait fait Claude, il les a virés, ces Juppettes. Cela dit, se référer à Claude François dépasse largement désormais le strict cadre franco-français. Ce que les éminences grises appellent aujourd'hui « the famous Claude Spirit » se retrouve all over the world. En Russie, le week-end dernier, Vladimir Poutine n'a-t-il pas fait comme d'habitude ? Et que dire de Benoît XVI lors de son homélie hebdomadaire au cœur de la basilique Saint-Pierre de Rome ? Pour avoir fait de sa vie un enfer, pour s'être trémoussé pendant plus de 20 ans comme s'il fût sorti vivant, mais dans quel état ? Du bal des ardents qui faisait fureur sous les Valois, ces rois de la décadence qui dansaient en cadence, n'a-t-il pas droit plus que quiconque à l'éternel repos ? Car enfin, mes bien chers frères, il faut nous souvenir en anglais Rimamber Mortimer, de l'apparition véritablement diabolique de ce génial Nabo, venu au twist par le canal de Suez. Pour être si petit, Napoléon l'était aussi, qui faisait trembler les grognards sur leur base, Claude François n'en avait pas moins les dents longues, et il mena sa campagne de France des pyramides à Austerlitz, tambour battant. Amen. Eh oui, dimanche dernier, le vicaire du Christ lui-même a célébré à sa manière le 30e anniversaire de la mort de Claude. Il est venu rappeler aux catholiques du monde entier qu'il faut honorer la mémoire de ce prophète disco. Par ailleurs, l'influence de Claude François touche désormais les 5 continents. Vois-tu, avant-hier à Tokyo, la bourse a plongé et en quelques heures, l'indice Nikkei a perdu 3,7%. Pour remonter le moral des traders nippons, Madame Fukuda, l'épouse du Premier ministre japonais, a su trouver les mots justes en célébrant le passé glorieux de l'Empire du Soleil Levant. Onodaki, boku wa utaidashita. 誰も僕知らない嘘はいつだっけあの時ロックンロールが始まった僕の歌はベーベーベーベーみんな好きだった Oui, c'était bourrifant. Claude a également réussi à pénétrer le cœur des Japonais. Mais poursuivons notre tour d'horizon planétaire et du Japon, traversons l'océan Pacifique pour nous arrêter quelques instants en Californie où là aussi, nous pouvons constater que Claude est devenu une référence incontournable sur les hauteurs prisées de Beverly Hills. Service après-vente, bonjour. Oui, bonjour monsieur. Britney Spears a le droit de parler à ses enfants? Oui, mais uniquement par téléphone. Ah oui, ça doit être pratique. Écoute, maman ne peut pas te parler parce qu'elle se rase la tête et aussi le bas. Ah bon, mais pourquoi tu peux pas me parler, maman? Je fais de la Ferrari avec un papa rasé. Ah. Et oui. Au revoir. En effet, afin de récupérer la garde de ses mioches, Britney Spears n'a pas hésité à pomper Claude François pendant son audition devant le juge, espérant ainsi obtenir sa clémence. De la même manière, avant-hier soir, lors de son admission en urgence dans un hôpital londonien, Margaret Thatcher, la dame de fer, a trouvé les mots justes pour rassurer le médecin sur son état de santé. I know the end is near, and so I face the final curtain. Bye, my friend, I'll say it clear. State my case, of which I'm certain. I've lived a life that's full. I travel each and every highway and more, much more than this. I did it my way. Alors résumons, la Russie, le Vatican, le Japon, les États-Unis, l'Angleterre, l'omniprésence planétaire de Claude François est une évidence. Cela dit, chez nos cousins belges, c'est différent, car Claude pose problème puisqu'en réalité, c'est lui qui est à l'origine des menaces qui pèsent sur l'implosion de la Belgique. Madame Van Straten, oui. Le poster de Claude François. Oui, monsieur. Il arrive qu'il y a des clients qui vous demandent pourquoi il se trouve là? Oh oui, monsieur, beaucoup. J'en ai même foutu à la porte une fois un jour un client. Ah ouais? Oui, parce qu'il a dit qu'est-ce que ce petit con il fait là? Alors là, il a dit un petit bon de trop, hein, le petit con. Ce petit con? Oui. À propos de Claude François? Oui, alors là, je vous assure, je l'ai viré, hein, et fameusement, hein. Il n'a plus rentré, pourtant c'était un bon client. Hein. Je ne le veux plus. Alors maintenant, après avoir constaté l'évidente influence de Claude François sur l'échiquier de la géostratégie mondiale, il ne faudrait pas oublier que la vie politique locale est également fortement influencée par le prince du twist. À Grosboul-les-Bains, par exemple, une petite bourgade de la France rurale, la petite équipe du conseil municipal a lancé un grand concours ces derniers jours. On découvre cela juste après le jingle. Ça me fait rire, ça me fait rire. Ça les amuse, ça les amuse. Quelques années, Claude François disparaissait pour partir dans son ultime voyage duquel il ne nous est jamais revenu. Mais nous avons gardé dans nos âmes de jeunes filles son souvenir ébloui. Aujourd'hui, la chanson a beaucoup périclité sous l'influence je pense à Chouchon, par exemple, hein, qui est toujours à se plaindre, à des amis contents, et maman bobo, et chien, oh non, ça va pas, on comprend rien de ce qu'il veut dire, il est tout plaintif, Renaud, qui est sale, hein, que Claude François, certainement, était plus soigné. Salut, Clo-Clo. Tu nous manques parce qu'on ne t'a pas remplacé, c'est certain. Et aujourd'hui, nous, grâce à notre concours, Claude François, on a envie de te remplacer par des jeunes qui ont du dynamisme et qui savent chanter. À toi, Bruno. Allô, c'est encore le monsieur de la dernière fois. Écoute, maman est près de toi. Il faut lui dire, maman, il y a quelqu'un pour toi. Qu'est-ce que tu y veux à ma maman? Dis-lui, je t'en prie. Dis-lui, c'est important. On n'est pas là. Mais il attend. Bac sur les filles, tout, tout. Bac sur le Nil, tout, tout, tout. Je suis dans ta vie, je suis dans tes bras, Alexandra. Toi et moi, amoureux, autant ne plus y penser. À cet instant très précis où tu m'as dit je suis parti. Et puis tu es parti, j'ai cherché le repos dans une chambre au salon. Je vais, je marche, je tourne en rond dans ton silence. Là où tu vas, tu entendras, j'en suis sûr, d'autres voix qui te murmurent. Le grand amour, là où tu vas, tu entendras, j'en suis sûr, d'autres voix qui te murmurent. Le grand amour. Eh bien, merci Philippe. Si, comme moi, vous avez apprécié le talent, la plastique de Philippe, eh bien, il vous suffit de tapoter sur le 3615 Claude Coco. Clo-clo. Clo-clo. Hein? Code Clo-clo. Faut dire 3615 clo-clo. Aussi. Faut dire le 3615 avant. 3615. Voilà, 3615, vas-y. Code Clo-clo. Merci, c'est ce que nous dit la jeune britannique pop-rock Duffy sur son premier album disponible début avril. Pour Claude François, les deux figures majeures furent sans doute Babar pour les Pattes d'Eff et Jean-Luc Godard pour la nouvelle mini-vague peroxydée. SLC, salut les copains. Alors maintenant, afin de prolonger nos aventures de cloclomaniaque, il est temps à 11h34 de te révéler comment, au cœur des 70s, Claude François eut une responsabilité majeure dans l'affrontement féroce qui opposa Jacques Chirac à Valéry Giscard d'Estaing. À l'orée des années 70, Claude François est devenu une authentique star du show business. Le magazine Podium, dont il est le patron, fait un carton, ses disques se vendent toujours à l'appel, et la France du président Pompidou vénère celui qui fut le précurseur de la tectonique. Impressionnés par les talents de stratège de Claude, Pierre Juillet et Marie-France Garraud, les deux pygmalions du jeune Chirac, ont eu l'idée, dans le plus grand secret, de proposer à Claude François d'intégrer leur staff au titre de conseiller spécial du jeune député corrézien. C'est ainsi que régulièrement, au cours de l'année 73, Claude François a reçu Jacques Chirac en toute discrétion dans son appartement du 16e arrondissement à Paris. Entre deux tournées, Claude a pour mission d'apprendre à Chirac comment maîtriser et canaliser l'énergie des foules et du public qu'il croise dans les grands meetings. Claude offre alors les ficelles du métier à Jacques Chirac. Le public, je crois que c'est comme un chien qui se trouve dans un couloir. Il est là, il est prêt au pire et au meilleur. Si vous arrivez avec des muscles, avec un pas décidé, il a peur de vous. Si vous arrivez légèrement flageolant, il vous mord. Et sans savoir pourquoi. Je ne compare pas le public à un chien sous l'angle négatif de la chose, au contraire. Je compare le public à un chien sous l'angle instinctif de la chose. Il est pour ou contre. Après plusieurs entrevues avec Claude François, le jeune Chirac progressa rapidement dans son aisance à maîtriser les réunions publiques. Et puis, avide de savoir, Chirac tenta ensuite de comprendre l'essence des textes de Claude, histoire de calquer ses discours sur ses chansons, puisqu'elles étaient très populaires. Seulement là, Claude a dû lui expliquer deux ou trois trucs à Jacques. Pour te consoler, je veux te dire, c'est pas compliqué. Si tu n'as pas très bien compris ce qui est écrit, c'est que l'auteur de cette chanson, qui s'appelle Étienne Rodagile, est un auteur très spécial. Il écrit des textes très très abstraits. Alors pour faire autre chose que ce que je fais d'habitude, c'est-à-dire des chansons relativement simples et compréhensibles par tout le monde, mais il y en a aussi pour toi, il y a d'autres chansons que tu comprendras parfaitement parce que Étienne Rodagile n'a pas écrit toutes les chansons. Mais là, c'est des chansons un petit peu ce qu'on appelle dans notre jargon de métier deuxième degré. Alors c'est des images très abstraites, c'est surtout pour les grandes personnes ça, disons. C'est pour ça que t'as pas très bien compris. Mais là encore, les conseils de Claude François influencèrent considérablement la prose chiracienne, puisque personne n'y comprenait rien, mais les gaullistes, eux, applaudissaient. Seulement voilà, un beau matin, alors qu'il s'apprêtait à quitter son domicile, Claude François reçut un étrange coup de téléphone. J'écoute, ici c'est Claude François. Vous aurez à prendre une grave décision nationale. Mais ce n'est pas le moment de me déranger. Je sais que vous y avez réfléchi, mais c'est déjà loin. Aussi, je vous en rappellerai ce soir l'essentiel. Je t'en prie, je t'ai dit que je n'avais pas le temps, pas pour l'instant. Mais je suis préoccupé du sort de la France. Ce sort que maintenant vous allez tenir entre vos mains. Oui, averti par ses sbires que le jeune loup Chirac s'était attaché les services de l'idole des Français, Valéry Giscard d'Estaing décida de proposer à Claude François de changer de camp, ce qu'il refusa dans un premier temps. Car cet indomptable séducteur que fut Claude avait une idée derrière la tête lorsqu'il avait accepté d'aider Chirac, se taper sa femme. Ne me repousse pas car sans toi, je ne saurais pas où aller. Bernadette, ne me repousse pas car sinon j'irai s'aimer les autres pour tout oublier. Mais Claude François se prit une veste monumentale sans paillettes avec Bernadette. C'est ainsi qu'un matin, au mois d'octobre 1973, Claude décida d'entrer en contact avec Giscard afin de lui offrir quelques services dans la perspective de se venger, bien sûr, de cette humiliation. D'ailleurs, c'est Claude François qui lui suggéra d'intégrer à son programme présidentiel l'abaissement de l'âge de la majorité, ce que Michel Poniatowski apprécia modérément. Quel est le con qui a dit que 17 ans, c'est le plus bel âge ? J'ai eu moi aussi 17 ans, je détachais dans des revues toutes celles qui étaient moitié nues. J'ai fait l'amour solitairement. Où est la honte à 17 ans ? C'est l'âge où l'on s'emmerde, oui. Finalement, Giscard opta pour 18 ans et la loi fut votée le 5 juillet 1974. Une fois élu, donc, grâce à Claude notamment, Giscard nomma Chirac Premier ministre, certes, mais Jacques regrettait amèrement que l'aura de Claude François ait disparu de son entourage le plus proche. C'est ainsi qu'en septembre 1974, Jacques tenta de convaincre son éminence grise disco de revenir près de lui. La pendule de l'entrée s'est arrêtée sur midi. à ce moment très précis où tu m'as dit je vais partir. Et puis tu es parti, j'ai cherché le repos, j'ai vécu comme un robot. Reviens, s'il te plaît. Mais aucune autre n'est venue remonter ma vie. Mais rien à faire, malgré les efforts larmoyants de Chirac, Claude François avait choisi de rester fidèle à Giscard. Un homme d'affaires aussi avisé que l'était Claude ne pouvait nier ses propres intérêts. D'ailleurs, au fil des mois, tel Raspoutine, l'influence du chanteur sur l'esprit du président s'amplifia réellement, et ce, jusque dans la chambre à coucher où Giscard, tôt le matin, tentait de ne pas réveiller Anémone. Je me lève et je te bouscule. Tu ne te réveilles pas comme d'habitude. Sur toi, je remonte le drap. J'ai peur que tu aies froid comme d'habitude. Ma main caresse tes cheveux presque malgré moi comme d'habitude. Mais toi, tu me tournes le dos comme d'habitude. Envoûté par le génie de Claude, le couple Giscard eut alors un désir effréné, un fantasme d'adolescent, monté sur scène avec Claude François pour un spectacle grandiose, dans l'espoir, bien sûr, d'être au plus près des passions populaires. T'as qu'à croire. Eh bien, figure-toi que ce fut fait le 17 décembre 1975. L'Élysée appartenait donc aux enfants cet après-midi, et la cérémonie de l'arbre de Noël a eu un franc succès. La vedette, c'était Claude François et les Claudettes. Pour laisser répéter l'artiste, on avait même déplacé le conseil des ministres à Marly-le-Roi. Et la cérémonie a bénéficié, sans doute pour la première fois dans l'histoire de France, de la participation effective du président de la République. Écoutez. Ce Noël à l'Élysée, les 500 jeunes invités du président de la République et de Madame Giscard d'Estaing ne l'oublieront pas de sitôt. Sur scène, Claude François et ses Claudettes, plus habillés qu'à la télévision, et Valérie Giscard d'Estaing les accompagnant, sera pour eux, comme pour nous, avouons-le, un très bon souvenir de ce Noël 75. Mais surtout, du jamais vu ici, dans cette salle des fêtes du palais de l'Élysée, une salle des fêtes très solennelle. Monsieur le Président, vous n'hésitez pas à monter sur scène. Je n'hésite pas, je vais dire, je trouve qu'il faut, chaque fois qu'il y a une fête, il faut participer à cette fête. Et à partir du moment où on s'adresse aux enfants, il faut se mettre dans leur atmosphère, dans leur ambiance, il faut donc monter sur une scène. Je ne vais pas leur faire un discours au coin du feu. Moment magique, mais qui fut destructeur pour Jacques Chirac. Jaloux comme un pou, il a présenté à peine quelques mois plus tard sa démission à Valéry Giscard d'Estaing. Moralité, la lucidité et la clairvoyance politique de Claude François étaient d'une rare acuité. Mais malheureusement pour Giscard, Claude n'était plus là pour les présidentielles de 1981. Tous les jours, j'ai tant besoin de toi. besoin de lune. C'est ce que réclame Manu Chao sur son dernier album intitulé La Radio Lina. Et c'était pareil pour Claude lorsqu'il avait besoin de l'une ou de l'autre de ses Claudettes, mais qu'elle foirait une Corée, il lui disait immédiatement « Ciao Manu Militari ». Alors, pour poursuivre notre dimanche matin en compagnie du merveilleux Claude François, il est grand temps de retrouver maintenant, à 11h45, nos deux monstres sacrés, le sautillant Jean-Claude en col pelle à tarte et la bondissante Monique en pâte d'eff. Car figure-toi que cette semaine, ils ont tous deux vécu une bien étrange aventure. Tout a commencé lundi dernier. Jean-Claude et Monique recevaient ce soir-là Chantal, la mère de Jean-Claude. Le dîner se déroulait parfaitement et Monique, connaissant la passion de sa belle-mère pour Claude François, faisait de son mieux pour animer la soirée. À la maison, il y a le printemps qui chante. Viens à la maison, tous les oiseaux t'attendent. Les pommiers sont en fleurs, ils perceront ton cœur. Toi qui es tout en pleurs, ne reste pas dans la ville. Monique se déchaîne donc pour faire plaisir à Chantal, sa belle-mère, une fan originelle de Claude François, qu'elle a d'ailleurs vue en concert l'année de la naissance du Jean-Claude. En plus, Chantal se vante même de posséder une lettre autographe de son idole qu'elle garde cachée comme une relique. Ainsi, ce soir-là, Monique et Jean-Claude ont laissé la télévision allumée afin de regarder une soirée spéciale Clo-Clo avec des chansons, des témoignages et des interviews. Qu'est-ce que vous pensez des filles qui vous accompagnent à chaque gala? Des filles qui suivent toujours. Vous savez, c'est comme le fromage, on aime bien le matin, peut-être un peu moins le soir, ça dépend. Enfin, disons que je m'en contente idéalement, que j'en suis positivement heureux et puis que d'autres fois, elle m'ennuie profondément. Étrange, se dit Jean-Claude. Chantal, sa propre mère, sanglote quand elle entend Clo-Clo parler de fromage. Et là, subitement, Jean-Claude comprend tout. Le fromage évoqué par Clo-Clo, c'est un code caché pour parler d'une femme. Le fromage, c'est le Cantal. Et comme Clo-Clo ne se drogue jamais, il n'use pas de hache. Il s'agit donc en vérité de Chantal, la mère du Jean-Claude. D'ailleurs, Chantal, les yeux fixés sur la télé qui diffuse l'image pailletée de Clo-Clo, marmonne entre ses dents. Si tu revenais, je crois bien que rien n'y ferait. Notre amour est mort à jamais. Je souffrirais trop si tu revenais. Et là, pour Jean-Claude, c'est une révélation. Sa mère a été au concert de Claude François l'année de sa naissance. Lui-même, il s'appelle Jean-Claude. Il est donc le fils caché de Claude François. Ainsi donc, à force de déduction, Jean-Claude est persuadé qu'il est le fils caché de Claude François. Il se précipite alors auprès de son fils Rémi pour lui annoncer sa prestigieuse ascendance. Claude François, c'est de l'émotion. Claude François, c'est de la poésie. Voilà ce que c'est, Claude. La poésie, c'est plutôt Brassens, non ? Si tu m'emmerdes avec Brassens, toi. Hein ? L'autre moustache qui ferait mes couilles avec nouilles. J'ai perdu ma couille au fond du ravin. Moi aussi, je peux le faire, ça, hein ? Tu sais quoi, mon petit ? Si j'avais été un sardou, ça aurait déjà pris un coup de latte dans la gueule. Un peu énervé du mépris affiché par son fils Rémi pour son pépé Clo-Clo, Jean-Claude essaie de le convaincre de l'importance de la révélation qu'il vient d'avoir. Jean-Claude est le fils caché de Claude François, merde, la star qui a bercé toute sa jeunesse, une époque merveilleuse. On dansait sur les refrains de Clo-Clo. Déjà Sardou chantait 10 ans plus tôt. On se balançait sur Ringo et Sheila. Et moi j'escaladais l'Himalaya. Je me souviens qu'est-ce que c'était bien ces années-là. Je me souviens comme ça se retient ces chansons-là. C'était les cris des filles et les pattes d'éléphant. Les fleurs sur les chemises et les cheveux dans le vent. Et c'est les cheveux dans le vent que Jean-Claude emmène son fils Rémi à Dannemois pour se recueillir sur la tombe de Claude François et pour visiter l'illustre moulin qui fut sa résidence. Arrivés sur place, Jean-Claude et Rémi visionnent la vidéo de présentation du musée. Dans cette belle maison, Claude François vit, quand il n'est pas en tournée, avec sa mère et sa sœur, en compagnie de ses animaux favoris. Hé, témoignier ! Tu dors ? Et ton moulin, il va trop vite ! Meunier ! Tu dors ! Ton moulin, il va trop fort ! Fous-moi la paix, mais fous-moi la paix ! Casse-toi ! Bon, Jean-Claude, qui veut en connaître un peu plus sur son père, demande à la guide, une ancienne Claudette nommée Georgette, si elle a des informations sur la filiation de Clo-Clo. Est-ce que, par exemple, Claude François était attaché aux affaires de famille ? La guide lui offre quelques précisions. Claude disait, il avait pour habitude de dire, parce que dans son moulin, il avait des meubles très anciens, dont un qui datait de l'époque Louis XIV, et avait coutume de dire, bah là, j'aime bien m'asseoir sur cette chaise, on s'y assit très mal, mais ça me fait rêver, parce qu'elle a appartenu à Louis XIV. Il y a un petit côté jouissance du bien, d'avoir cet objet chez soi, en se disant, bon, je ne vais pas comparer Claude à Louis XIV, ce n'est pas ce que je veux dire, mais le fait de posséder un costume de scène, même si ça n'a, je dirais, c'est un petit morceau, donc je ne sais pas la valeur que ça peut avoir, mais c'est une valeur sentimentale après. Sentant que cette guide a bien connu la star, Jean-Claude lui demande de l'accompagner pour visiter le parc. La guide accepte aussitôt, Jean-Claude est émerveillé. Quel calme! Quel endroit! Quelle merveille! Vous aimez? Ah, féerique! Un mélèze canonique, des chaînes séculaires, un saule. L'horreur. Oh, des oies. Des cygnes. Au lac, l'année à peine a fini sa carrière. Près des flots chéris où tu la vis s'asseoir, regarde. Je viens seul m'asseoir sur cette pierre où tu la vis s'asseoir, etc., etc. Viens pour les sous là-dedans. Oui, Jean-Claude est donc déjà en train de réfléchir à l'héritage, puisqu'il pense être le fils caché de Claude François. C'est d'ailleurs ce qu'il avoue à cette jolie Georgette, ancienne Claudette. Mais Georgette, elle n'y croit pas à son histoire. C'est vrai, elle a vu défiler beaucoup de groupies hystériques, mais de Chantal, elle n'en a jamais entendu parler. Jean-Claude, un peu déçu, rentre donc chez lui pour une ultime tentative afin de connaître la vérité. Il demande à sa mère si la lettre que Claude François lui avait écrite est un mythe ou une réalité. La mère de Jean-Claude sort alors un vieux bout de papier qu'elle conserve soigneusement dans le bonnet gauche de son soutien-gorge. Elle le tend à Jean-Claude, qui lit ces mots écrits de la main de Claude. Si je ne t'ai pas fait l'amour, c'est bien peut-être par pudeur, ou bien encore que j'ai peur de ne pas être. Comment ça ? Peur de ne pas être à la hauteur. Jean-Claude comprend immédiatement qu'il n'est pas du tout le fils de Claude François, puisque jamais dans la famille, sur ces questions-là, on a eu peur de ne pas assurer. Voilà, fin de l'histoire, Jean-Claude n'est pas le fils de Clo-Clo. Le voile est levé sur cette étrange histoire, tout comme sur les filles d'ailleurs. Voile sur les filles. Sur le Nil, je suis dans ta vie, je suis dans tes bras, Alexandra, Alexandrie, Alexandrie, où l'amour danse avec la nuit. J'ai plus d'appétit qu'un barracuda. Je boirai tout le Nil si tu ne me retiens pas. Je boirai tout le Nil si tu ne me retiens pas. Alexandrie, Alexandra, Alexandrie, où l'amour danse au fond des bras. Ce soir j'ai de la fièvre et toi tu meurs de froid. Alexandrie, Alexandra, l'ultime chanson de Claude François, puisque ce titre est arrivé chez les disquaires le 15 mars 1978, le jour même des obsèques de Claude, au moment sans doute où il prenait une barque sur le Nil pour rejoindre la rive ouest du fleuve, celle des morts. Alors nous voici donc arrivés au terme de notre voyage au cœur du merveilleux pays de Claude François. Du boulevard Excellence au moulin de Dannemois, du Clo-Clo Coco au Clo-Clo Giscardien et des fans fromagères au Chautelé de Michel Drucker, nous t'avons offert un panorama réellement incomplet et absolument subjectif de ce qu'a pu être l'existence hors du commun de ce pharaon du disco. Alors pour finir, certes, nous avons évité ce matin la géographie ou même la narration classique de la vie de Claude François, parce qu'évidemment, tu vas en bouffer des tonnes dans les jours qui viennent. Du coup, nous avons préféré raconter une histoire à notre sauce, un peu barrée et totalement irréelle, bien sûr. Mais c'est également un hommage à notre manière, car personne ne peut nier que Claude François appartient aujourd'hui à notre patrimoine national et que tout le monde connaît ses succès populaires, même derrière la colline. Venez, amis, derrière la colline. Là-bas où le soleil décline, nous serons 100 ou peut-être 100 000 qui chanteront le nouvel évangile. Des oiseaux pop qui tournent en l'air. Des oiseaux pop, musique populaire, musique populaire. C'était les Poppies et leur chanson pop en 71, et c'est la même chanson que chantait Claude cette année-là. Voilà, fin du 111e épisode. Tout le monde descend, faites gaffe de ne rien avoir oublié. C'était C'est qui au juste Claude François, revu et corrigé par la bande de furieux du Mangin Palace. On se retrouve dès la semaine prochaine à 11h et en direct sur France Inter pour un nouvel épisode archi loufoque et total foutraque. Panique au Mangin Palace, c'est une émission coécrite les doigts dans la prise. Coécrite les doigts dans la prise, donc avec le professeur Mauduit, un ami précieux que je remercie chaleureusement. Merci à toi, monsieur Xavier. Au platine, au montage et à la réalisation, il y avait cette semaine Bertrand Chometon. Merci beaucoup, Bertrand. C'était parfait. Clin d'œil à Marco Mutel qui revient dès la semaine prochaine. Salut, vieille canaille. Bertrand est assisté aujourd'hui à la technique d'Henri Bérec et de Pierrick Monsigny. Merci beaucoup à vous deux. Pour toute la documentation, les recherches sonores et aussi plein d'autres choses, on dit merci beaucoup à Flora Bernard. Merci Flora. Merci aussi à Sarah Fleury ainsi qu'à Claire-Sophie Collet, nos deux stagiaires. Pour les Scud et toutes ces trouvailles, on a l'inépuisable Thierry Dupin qu'on remercie également vivement. Merci aussi beaucoup à Olivier Lefayère pour toutes ces idées complémentaires. Merci enfin à Jennifer Guillot, documentaliste de l'INA. Voilà, pour toutes les informations complémentaires, la Panique au Mangin Palace possède un site internet sur franceinter.com où vous pourrez dans quelques minutes récupérer l'émission pour une balado-diffusion, autrement dit, le podcast. La journée continue sur France Inter. Après le flash, vous retrouvez Chris pour son crumble. Allez, portez-vous bien, prenez soin de vous. On se retrouve dès dimanche prochain à 11h et en direct sur France Inter pour un nouvel épisode. Mais en attendant, d'ici là, surtout aujourd'hui, surtout, ne lâchez rien. Ciao. On fait pas une deuxième prise. Comment ? Ah, c'était en direct ? Ah, je savais pas que c'était en direct.